revient tard. Pars vite et reviens tard. Pars vite. Revient tard. De Fred Vargas. Adaptation. Catel Guillou. Et revient tard. Premier épisode. Et puis, quand les serpents, chauves-souris, blaireaux et tous les animaux qui vivent dans la profondeur des galeries souterraines sortent en masse dans les champs et abandonnent leur habitat naturel. Quand les plantes à fruits et les légumineuses se mettent à pourrir et à se remplir de verre. Bonjour Bertin. Salut de Cambrai. La forme ce matin? Oh, mais ça se rafraîchit sérieusement, dites-moi. Heureusement que j'ai ces nouveaux poils. Hein. Avec ça, les clients resteront en terrasse jusqu'en plein hiver. Il n'est pas encore arrivé, le marin pêcheur? Il va pas tarder. Lisbeth? Oui, monsieur de Cambrai. Auriez-vous l'amabilité de me donner l'heure, je vous prie? Il est 8h32, monsieur de Cambrai. Le crieur est en retard. Pas dans ses habitudes. Ce serait pas lui, là, qui dévale la rue de la Gaîté comme un dératé? Vous avez raison, Lisbeth. Hé, hey, Joss, t'as du retard à l'allumage ce matin, j'y vais. Allez, à cause du marc de café. Les choses m'en veulent. Première criée du jour. 1. Vent. Portée de chatons blancs et roux, 3 mâles, 2 femelles. 2. Ceux qui font du tambour toute la nuit avec leur musique de sauvage, en face du numéro 36, sont priés d'arrêter. Il y a des gens qui dorment. 3. Tous travaux d'ébénisterie, restauration de meubles anciens, résultats soignés, enlèvement et dépose à domicile. 4. Que l'électricité et le gaz de France aillent se faire foutre. 5. Hélène, je t'aime, je t'attends ce soir au chat qui danse. Signé Bernard. 6. On a encore eu un été pourri et maintenant c'est déjà septembre. 7. Vent, pommes et poires bio certifiées, charnues, juteuses. Notez Lisbeth, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé une bonne tarte aux pommes. De la place. La viande d'hier, c'était de la carne. Et ça fait 3 fois dans la semaine. 9. L'enfant de salaud qui a rayé ma portière se prépare une mauvaise surprise. 10. Vent, flipper, millésimé, 1965. Orné, femme, sein nu, état impeccable. 11. On vit plus en démocratie ici. C'est pire qu'en Chine. 12. Et puis... Quand les serpents, chauves-souris, blaireaux... Ça y est, le voilà. Quand les serpents, chauves-souris, blaireaux... Tous les animaux... Quand les plantes à fruits, les légumineuses se mettent à pourrir et à se remplir de verre... Encore 6 histoires de bestioles. 13. Sale bestiole. Je me fous bien de vos cochonneries. Sortent en masse dans les champs et abandonnent leur habitat naturel quand les plantes à fruits et les pages d'histoire de France pour déjà. Tous. Oh, ville de Cambrai, 15 septembre 1883, vapeur français, 1400 tonneaux, vient de Dunkerque pour l'Orient, chargé de rails de fer. Il touche sur Basse-Gouac. Explosion de la chaudière. Un passager mort. Équipage 21 hommes, sauvés. Gagné, tu me dois un verre. Quand je dis tous perdus, ils sont sauvés. Quand je dis tous sauvés, ils sont morts. J'ai vraiment pas de valeur. Voilà, merci de votre attention. Prochaine criée ce soir à 18h10. Ouais. Allez, on va au Viking. Hé, hey, Damas, ouais. Tu peux ranger mon estrade dans ton arrière-boutique? Ça m'étonnerait pas qu'il se mette à pleuvoir tout à l'heure. Bien sûr, Joss, pas de soucis. Thank you. inscription sur la porte. Brigade criminelle de la préfecture de police de Paris, groupe homicide, antenne du 13e. Alors Danglars, ça vous fait quoi de passer dans la cour des grands ? Ça me fait que j'arrive toujours pas à comprendre comment vous pouvez être aussi diaboliquement bon dans les crimes de sang. Je me demande s'il peut nous arriver la même chose qu'aux rochers des bords de mer. C'est-à-dire ? Bah, ces rochers sont pas faits d'un bloc. Disons qu'ils sont en calcaire dur et en calcaire mou. Le calcaire mou n'existe pas en géologie. Non, on s'en fout, Danglars. Disons qu'il y a des bouts mous et des bouts durs comme dans toute forme de vie, comme dans moi-même, comme dans vous. Mais à force d'être cogné par la mer, les bouts mous se mettent à fondre. Ils ne fondent pas, non. En tout cas, ils s'en vont. Alors les parties dures commencent à ressortir et plus le temps passe, plus les parties molles s'éparpillent à tout vent. À la fin, le rocher est tout crénelé, c'est plus qu'une mâchoire de calcaire prête à mordre. À la place du mou, il ne reste plus que des creux, des vides, des absences. Où voulez-vous en venir ? Je me demande si les flics et des paquets d'autres humains qui sont exposés au fracas de la vie ne subissent pas la même érosion. Disparition des parties tendres d'un côté, résistance des parties coriaces de l'autre, résultat endurcissement, insensibilisation. Une vraie déchéance, quoi. En somme, vous vous demandez si vous ne prenez pas le chemin de cette mâchoire de calcaire. Oui, si je deviens pas flic. Après 25 ans de métier, ce serait peut-être une bonne chose, non ? Et ton urne, t'as pas peur qu'elle prenne l'eau ? Tu rigoles ? C'est pas pour rien que je l'ai baptisée Vendeneur Roi 2. Cette urne, c'est du solide. Aussi solide que mon bon vieux chalutier. Enfin, avant que cette foutue nuit de tempête le mette sans dessus-dessous. Et ce gros tas de papier, là, c'est quoi ? Ça, c'est des annonces prédicibles. Les quoi ? Tu sais, Damas, ce boulot m'a au moins appris une chose. C'est que les hommes sont bourrés de trucs à dire. Bourrés comme des vieux matelas remplis de foin. Bourrés de trucs à dire et de trucs à ne pas dire. Parce que comme disait mon arrière-arrière-grand-père Nicolas Leguerne, il n'y a pas que du beau dans la tête de l'homme. Moi, je ramasse la mise et je rends service à l'humanité. Je suis le purgeur, en quelque sorte. En raclant le fond, je pompe de l'eau claire, mais je ramasse aussi pas mal de merde. Alors je trie. D'un côté, le dicible, de l'autre, le pas dicible. Ah ouais, d'accord. J'ai rien compris à l'annonce 12, l'histoire de serpent, là. Elle est même pas finie, la phrase. Cherche le poste, un taré. Dis, tu comptes passer tout l'hiver en short et t-shirt ? Ça va, je tiens. À quoi ça te sert de montrer tes muscles comme ça ? Eh, c'est pas un magasin de dentelle, ici. C'est Roll Rider. Je vends des planches, des boards, des rollers, des surfs, des tout-terrains. C'est de la bonne pub pour la boutique. Pourquoi tu parles de dentelle ? Parce que de Cambrai, il en vend. Et lui, il est tout vieux, tout maigre. Mais c'est pas un manche de Cambrai. Il m'a même fait une consultation gratuite. C'est toi qui as été le trouver ? Et alors ? Conseiller en choses de la vie, c'est bien ce qui est écrit sur sa pancarte, non ? Mmh. Et il y a aussi écrit 15 euros la demi-heure. C'est cher pour de l'arnaque, Damas. Qu'est-ce qu'il y connaît, l'aristo, aux choses de la vie ? Je suis sûr qu'il a même jamais navigué. Pourquoi tu dis l'aristo ? Hé, hey, Damas, mais réveille-toi. De Cambrai, ça sonne pas aristo, des fois ? J'en sais rien. En tout cas, il est toujours fauché. Ah, les aristos fauchés, ça existe. C'est même ce qui se fait le mieux en matière d'aristo. Ah bon ? Tu peux pas le saquer, hein ? Qui ça ? De Cambrai. C'est lui qui m'encadre pas. Nuance. C'est dommage parce qu'il paraît qu'il y a une de ses chambres qui s'est libérée. Ça aurait été bien pour toi. À deux pas de ton travail, au chaud, blanchi et nourri tous les soirs. Merde ! En plus, il y a Lisbeth, c'est un sacré avantage. Ouais, ça c'est sûr. Mais tu peux pas la prendre si tu peux pas le saquer. Nuance, Damas, c'est lui qui peut pas m'encadrer. Ça revient au même pour la chambre, tu peux pas, quoi. Non, je peux pas. Ça s'arrange mal, des fois. Comme tu dis. Préfecture de police, brigade criminelle. Ah mince, c'est pas ici le commissariat, alors ? Oui, vous cherchez quelque chose ? Ils sont gentils là-dedans ? Ça dépend des gars. Mais ils écoutent au moins ? Ça dépend de ce que vous leur dites. Mon voisin pense qu'ils se foutront de moi. De quoi s'agit-il ? De mon immeuble. Je me fais de la bile à cause des enfants. Si un type est entré l'autre nuit, qui me dit qu'il va pas revenir ? Ici, c'est la brigade criminelle. Vous voyez, c'est pour les meurtres, hein, quand on tue quelqu'un. Ah. Allez au commissariat de l'avenue. À midi, c'est plus calme. Prendront le temps de vous entendre. Mais non, je dois être au bureau à 2 heures. Le patron supporte pas qu'on soit en retard. Mais ils peuvent pas les prévenir ici, leurs collègues de l'avenue? Enfin, je veux dire, c'est pas un peu la même bande, tous ces policiers? Ah, pas exactement, non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un cambriolage? Oh non. Une violence? Non, non. Racontez toujours, ce sera plus facile pour vous orienter. Bah, en fait, c'est une peinture noire. Ou plutôt 13 peintures, sur toutes les portes de l'immeuble. Elles me font peur. Je suis toujours seule avec les enfants, vous comprenez? Graffiti? Non. Des 4. Des grands chiffres 4. Un peu à l'ancienne. Je me demandais si c'était pas une bande ou quoi. Peut-être que les policiers le savent. Bon, venez, on va noter tout ça et vous n'aurez plus rien à craindre. Ce serait pas mieux qu'on trouve un flic? Je suis flic. Commissaire principal Jean-Baptiste Adamsberg. Ah, excusez-moi. Y a pas de problème. Merci. Un coup de main, commissaire? Entrez dans mon bureau. J'arrive tout de suite. Merci. Non, c'est juste une femme un peu angoissée, une mauvaise blague dans son immeuble, ou simplement quelques tags. Elle a besoin d'un peu de soutien. C'est pas l'assistance sociale ici. Et pourquoi pas, lieutenant... Noël. Noël, oui. Tête carrée, cheveux en brosse, oreille bien visible, égale Noël. Si c'est pour soutenir madame, je me porte volontaire, j'ai mon outillage. Vous pouvez me rappeler votre nom, brigadier? Favre, commissaire. Eh bien, brigadier Favre, sachez qu'ici, vous allez faire quelques découvertes qui vont vous étonner. Ici, les femmes ne sont pas en rond avec un trou dedans. Hein. Et si cette nouvelle vous épate, vous gênez pas pour tâcher d'en savoir plus. En dessous, vous trouverez des jambes, des pieds. Hein. Et au-dessus, vous rencontrerez un buste. Et puis, une tête. Hein. Tâchez d'y songer, Favre, si vous avez de quoi. Non, c'est pas un marrant, le nouveau commissaire. Je resserre, Joss. Vas-y. T'as pas l'air d'aller fort aujourd'hui. Ouais, c'est rien. C'est juste que des fois, ça s'arrange mal. Qu'est-ce qui s'arrange mal? Je dirais que de Cambrai peut pas m'encadrer. Non. Je dirais plutôt qu'il te prend pour une brute. Et c'est quoi la différence? Disons que c'est plus arrangeable avec le temps. Alors c'est foutu. Quoi? C'est urgent? Tu voudrais le consulter? Tu parles. Je voudrais sa pioule. Alors tu ferais bien de t'activer. Je crois qu'il a une demande. Et il renacle parce que le type est cinglé de Lisbeth. Et pourquoi veux-tu que je m'active? Le vieux me prend pour une brute. Faut comprendre, Joss. Il a jamais navigué, lui. Puis d'ailleurs, t'en es pas une de brute? J'ai jamais prétendu le contraire. Tu vois, de Cambrai, c'est un connaisseur. Mais dis-moi, Joss, tu l'as compris, ton annonce douce, tout à l'heure? Non. Je l'ai trouvé un peu spécial. Aussi spécial que celle des derniers jours. Hein. Je les aime pas, ces annonces. Alors pourquoi tu les lis? C'est payé. Et bien payé. Chez les Le Guerre, on est peut-être des brutes, mais on n'est pas des brigands. Attention, le voilà. Vous voulez goûter le plat du jour, de Cambrai? Aujourd'hui, c'est Côte de Vaux, Vallée d'Auge. Non, juste un café, merci. Alors, un café, hein? Est-ce qu'on peut vous toucher un mot? Allez-y. L'annonce 12, ce matin. Ah, je sais, elle est spéciale. Elle a des petites sœurs. Ouais. Depuis 3 semaines. Je me demandais si vous les aviez conservées. Puis, je voudrais les relire. Si vous voulez, je vous les achète. Toutes celles que vous avez. Et aussi, c'est l'avenir. Alors, c'est pas vous? Moi? Qui les avait fourrées dans l'urne? Ah oui. Je me demandais. Ça aurait pu être dans votre manière. cette vieille phrase à n'y rien comprendre. Combien vous en voulez? Une annonce lue, c'est comme cette côte de veau rongée, ça n'a plus de valeur. Je ne vends pas. Chez les Le Guerne, on est peut-être des brutes, mais on n'est pas des brigands. Bon. Paraît que une de vos chambres s'est libérée. J'ai déjà des demandes. Ces gens ont une priorité sur vous. Ah, bah, j'ai compris. Hervé de Cambrai ne veut pas qu'une brute vienne fouler ses tapis. C'est qu'il faut avoir fait ses lettres pour rentrer là-dedans, hein? Ah oui. C'est bon, gardez-la, votre chambre. Oh, je peux comprendre, après tout. On n'est pas notre genre, tous les deux, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Vous pourrez les avoir, ces papiers, si elle vous chiffonne tant que ça. Passez ce soir chez Damas, avant la criée de 6h10. Entendu. Petit. Maryse Petit. Et vous habitez où? Rue des Reculettes. Vous prenez pas plutôt votre ordinateur pour faire ça? Il vient tout juste d'arriver. J'ai pas encore eu le temps de le brancher. Ces quatre ont été peints sur les portes, c'est bien cela. En une seule nuit. Ah oui. En sortant de chez moi hier matin, ils étaient sur toutes les portes. Grands comme ça. Pas de signature, de paras? Moi si. Il y a trois lettres en dessous, peintes en plus petit. C, T, L. Non. C, L, T. C, L, T. Noir aussi. Oui, aussi. Rien d'autre? Rien sur la façade ou la cage d'escalier? Non, sur les portes seulement. Et ce chiffre, il n'est pas un peu déformé? Comme un sigle, par exemple? Si. Je peux vous le dessiner si vous voulez. Je vous en prie. Voilà. Vous l'avez fait à l'envers. Mais il est à l'envers. Large au pied, avec ses deux petites barres au bout. Est-ce que vous le connaissez? C'est une marque de cambrioleur, CLT ou quoi? Les cambrioleurs marquent les portes aussi discrètement que possible, vous savez. Et qu'est-ce qui vous effraie là-dedans? C'est à cause de l'histoire d'Ali Baba. Enfin, je crois. L'assassin qui marquait toutes les portes avec une grande croix. Dans l'histoire, il n'en marquait qu'une seule. C'est la femme d'Ali Baba qui marquait les autres, pour l'égarer, si je ne me trompe pas. Ah oui? Vous devez avoir raison. C'est juste un tag. Les gosses du coin, probablement. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai jamais vu ces quatre dans le quartier. Et puis les tags, en principe, c'est fait pour être vu par tout le monde, non? Il n'y a pas de règle. Allez, lavez votre porte et n'y pensez plus. Bon. Merci, commissaire. Encore une qui regarde trop de séries américaines. CLT. Comment tu te sens dedans? Les chemises, ça va? Oh ouais, ça le fait. Bonsoir. Bonsoir, monsieur de Cambrai. Bonsoir, Marie-Belle. Monsieur de Cambrai, vous pouvez pas dire à Damas de passer un pull. Il va prendre froid, il est pas solide des bronches. Je sais que vous avez de l'influence sur lui. Mais oui, forcément. Je lui ai déjà parlé, Marie-Belle. C'est long de vous faire comprendre, vous savez. Je sais, mais si vous pouviez essayer encore. Je lui parlerai dès que possible, c'est promis. Le marin est ici? Dans l'arrière-boutique. Merci. Je vous ai posé ça sur la table. Et voilà celle du soir, en avant-première. Le cinglé force l'allure. J'en ai deux par jour à présent. Les magistrats feront dresser les règlements qu'il faut observer et les feront afficher au coin des rues et dans les places afin que personne ne les ignore. Point de suspension. Ils feront tuer les chiens, les chats, les pigeons, les lapins, les poulets et les poules. Ils auront une attention singulière à faire tenir les maisons propres et les rues, à faire nettoyer les cloaques de la ville et des environs, les fosses remplies de fumier, d'eau croupifante... Les fosses, si je puis me permettre. Dis donc, de Cambrai, je veux bien être gentil, mais mêlez-vous de ce qui vous regarde. Parce que chez les Leguerre, on sait lire. C'est pas vous qui allez m'apprendre à la différence entre les fosses et les fosses, nom de Dieu. Leguerre, ce sont des copies de textes anciens du XVIIe siècle. Le type les transcrit à la lettre, avec des caractères spéciaux. À l'époque, on formait les S à peu près comme des F. Si bien qu'il n'est pas question de perfone, de fingulière, encore moins d'eau croupifante. Bah comment ça, des S ? Personne. Singulière, fosse, eau croupissante. Ce sont des vieux S en forme de F. Regardez vous-même, ils n'ont pas tout à fait la même forme si on les examine de près. Bon, admettons. Et après ? C'est plus aisé pour votre lecture, rien de plus. Je ne cherchais pas à vous offenser. Bah c'est fait. Prenez vos sacrés papiers et barrez-vous. Parce que la lecture, c'est quand même mon boulot. Je me mêle pas de vos affaires, moi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'en sais pas mal sur vous. Avec toutes ces dénonciations qui traînent. Comme le disait mon arrière-arrière-grand-père, il n'y a pas que du beau dans la tête de l'homme. Et heureusement que je trie les lentilles. Quoi, il y a des messages sur moi ? Bon, allez, vous alarmez pas non plus. Vous les avez toujours ? Ben oui. Je les mets au rebut. Ça vous intéresse ? Oui. Après tout, c'est toujours utile de connaître son ennemi. Un homme averti en vaut deux, pas vrai ? Tenez. Vous frappez pas, hein ? C'est rien que fumier et compagnie. Si vous saviez tout ce que je lis... Ah, la merde. Faut la laisser courir à la rivière. Il n'y a pas de mal à faire de la dentelle. Mon père, il faisait des filets. C'est pareil en plus gros, c'est tout. Vous avez raison, mais il vaut mieux que ça s'ébruite pas. Les gens sont étroits. Très étroits, ça c'est sûr. C'est ma mère qui m'a enseigné le métier. Pourquoi n'avez-vous pas lu ces annonces à la criée ? Parce que j'aime pas les cons. Mais vous ne m'aimez pas non plus, le Guern. Non, mais j'aime pas les cons. Le Guern ? Oui. La chambre est à vous. Pars vite et reviens tard. De Fred Vargas. Adaptation. Catel Guillou. Conseillère littéraire. Emmanuelle Chevrière. Pars vite et reviens tard. Est paru aux éditions Viviane Ami. Premier épisode. Avec Jean-Quentin Châtelain. Claude Aufort. Serge Ranco. Philippe Duquesne. Julien Lucas. Patrice Bornand. Judith Chemla. Rislaine Elcohen. Flora Brunier. Vincent Nemeth, Pierre Poirot, Pierrick Tardieu et Sylvie Bobette-Lévesque. Pars vite, reviens. Bruitage, Sophie Bissons. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Sébastien Labarre. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Cédric Ossire.